tiens d'abord à vous remercier d'être aussi nombreux, à remercier Dick Tomasovic, Stéphanie Balthazar et le personnel de la Villa de me permettre de vous parler de Max le menteur, pardon. Et je me rends compte que ça va être une tâche difficile, en 40 minutes, de vous parler de trois romans, de trois films et d'un écrivain qui est Albert Simonin. Max le menteur débute en 1953 par un roman d'Albert Simonin qui s'appelle « Touchez pas au Grisby », qui est l'année suivante porté à l'écran par Jacques Becker et qui connaît une très belle carrière qui pousse Simonin à faire une suite, « Le cave se revit », également adapté, et enfin « Grisby en homme Grisby » en 1955, qui lui a changé de titre au cinéma et est devenu « Les tontons flingueurs ». Une question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi appelle-t-on Max le menteur ? Max le menteur en raison des boniments qu'il utilise pour séduire les femmes. Et c'est un truand vieillissant, dans la cinquantaine, qui a toujours envie de faire un dernier coup pour prendre sa retraite. Et à chaque fois, ça échoue. Il est obligé de continuer à faire des hold-up, à faire des cambriolages pour assurer son train de vie. Et Max le menteur, comme il vieillit au fur et à mesure de ses romans, finit par changer de surnom dans le milieu et à s'appeler dans le troisième Max le débonnaire. Touchez pas au Grisby, donc, est paru en janvier 1953, numéro 148 de la série noire chez Gallimard, et obtient le même mois le prix des deux magots, prix qui avait été fondé juste 30 ans plus tôt et remis dans le célèbre café parisien. Le roman est préfacé par Pierre-Marc Orland. Il comporte à la fin un dictionnaire d'argot pour permettre aux caves ce qui précède. Le premier tirage est de 40 000 exemplaires, vite épuisé. Il est adapté au cinéma avec Jean Gabin, qui fait son premier grand film français après la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier rôle de Lino Ventura, un des premiers rôles également de Jeanne Moreau. On y retrouve Dora Dole, toute jeune, Paul Francoeur, qui accompagnera souvent Jean Gabin au cinéma. À l'apparition du film, plus de 200 000 exemplaires sont vendus. Touchez pas au Grisby, dans la trilogie de Max le menteur, est le film le mieux adapté, le plus conforme au roman. Juste une petite différence au début, un petit truand, Fredo, menace de tuer Riton, l'ami de Max. Il se fait assassiner, ses complices accusent Max le menteur de l'avoir assassiné, ce qui est en fait une machination. Ce qui n'apparaît pas au début de Touchez pas au Grisby, qui se passe dans un nightclub tenu par Pierrot, et où Max se rend compte que la petite amie de son ami Riton fait un double jeu avec Angelo, dont le rôle est tenu par Lino Ventura, et qui apprend ainsi que Max et Riton ont volé 100 kilos d'or. Dans le roman, on tente d'enlever Max, il tue ses ravisseurs dans l'ascenseur qui mène à son appartement. Une version plus soft, dirais-je, dans le film où il se contente de tirer en l'air pour prévenir la police. Riton est torturé et assassiné par Angelo pour le faire avouer où il a caché l'argent. Tandis que dans le film, à la fin du film, il est échangé contre les valises contenant les lingots. Ensuite, à la fin du roman, Max massacre la bande d'Angelo. Tandis que dans le film, les truands reviennent à la charge et c'est un règlement de compte à coups de mitraillette et de grenades à manche. Par contre, dans le roman suivant, Le cave se revit, adapté par Gilles Grangier, le personnage même de Max le menteur disparaît. Il ne reste plus que, parmi les personnages principaux, le Dab, qui est un spécialiste en fausse monnaie et qui s'était retiré des affaires après un dernier coup raté, et le personnage du cave, interprété par Maurice Birot, qui lui est utilisé dans le roman par Max et Riton, et finit par, comme à la fin du film, se sauver avec l'argent et avec le Dab. Comme je vous disais, tous les personnages ont été changés. Ceux de la trilogie Max le menteur ont complètement disparu. Évidemment, s'ils disparaissent, leurs aventures du roman n'apparaissent pas à l'écran non plus. On ne voit pas Max et Pierrot devoir monter un bar pour se faire de l'argent, être harcelés. Et le roman, qui est un roman policier assez noir, est transformé en comédie une fois adapté à l'écran. Arrive l'année suivante, en 1955, le troisième tome de la trilogie, Grisby or Not Grisby, qui est adapté en 1963 à l'écran. Et c'est une coproduction franco-italo-allemande. Et le film sort d'abord en Allemagne, le 3 octobre 1963, presque un mois, à peu près un mois, avant l'avant-première française. Vous pouvez noter aussi que les acteurs qui sont mentionnés sur l'affiche allemande sont d'abord deux acteurs allemands qui avaient beaucoup de succès à l'époque, Sabine Simien et Horst Frank. Lino Ventura était sans doute l'acteur le plus connu en Allemagne, l'acteur français le plus connu en Allemagne à cette époque. Il n'y a pas de mention, par exemple, de Bernard Blier, ou de Francis Blanche, ou bien de Jean Lefebvre. Des acteurs allemands, des acteurs italiens, comme Valentino Verantini, Sabine Simien, qui ne parlait pas un mot de français, qui a été doublée par une jeune actrice française, et une citation de Pline par Théo, jouée par Horst Frank, qui n'est pas traduite, qui n'est pas sous-titrée dans la version filmée. Das Leben eines Mannes zwischen Himmel und Erde vergeht wie der Sprung eines jungen weißen Pferdes über einen Graben, ein Blitz, und das ist vorbei. Ce qui veut dire que la vie d'un homme entre ciel et terre s'oublie comme le saut d'un jeune cheval blanc au-dessus d'une fosse, un éclair, et c'est terminé. La première a lieu au cinéma Balzac, le 26 novembre, rappelez-vous, c'était le 3 octobre en Allemagne, et le film, bien entendu, est distribué un peu partout en Europe, mais aussi en Italie, où là aussi, sur l'affiche italienne, on met en exergue les acteurs italiens. Valentino Valentini, qui, je pense, est le seul acteur encore vivant du film avec Claude Rich. Entre le roman Grisby or Not Grisby et Les Tontons Flingueurs, il y a également énormément de changements. Fernand le Mexicain, qui meurt au début du film, devient Louis le Mexicain, et le prénom Fernand est utilisé pour Lino Ventura, qui joue le rôle de Max le Débonnaire. Par contre, les frères Wolfoni, Raoul et Paul, apparaissent bien, mais sous un jour très, très sombre, très violent dans le roman, et sous un aspect humoristique dans le film. Un seul trait d'humour, en fait, dans Grisby or Not Grisby, le gros Raoul Wolfoni est sensible des pieds et porte tout le temps des charentaises, même quand il est en smoking, et Max, lors d'une dispute, en profite pour lui écraser les pieds. Maître Hubert, qui fait quelques apparitions dans le roman, devient Maître Folas, interprété par Francis Blanche. Pascal, un des tueurs, est cet acteur italien. Son cousin change de nom. Et tous les autres acteurs, le président de la foi, son fils Antoine, interprété par Claude Rich, Freddy, John, Madame Mado, qui tient la maison close, Théo, qui fabrique le spécial des tontons, sont eux absents du roman. Et dans le roman, Max Débonnaire doit s'occuper de la veuve du Mexicain et pas de sa nièce. Je présume que vous vous souvenez de cette scène-là. J'ai relevé dans le film Les Tontons Flingueurs deux clins d'œil à Touchez pas au Grisby. Primo, cette réflexion de Francis Blanche, et une autre qui est moins apparente, c'est que Gabin et Ventura portent le même pyjama. Chose, je pense, unique dans la collection Série Noire. La trilogie de Max le Menteur est parue en 57, je pense, dans une version omnibus cartonnée, une version de luxe tirée à quelques milliers d'exemplaires, et tout récemment a été réédité en grand format. Les Tontons Flingueurs, comme vous voyez, est un film culte qui a inspiré beaucoup d'articles et également beaucoup d'ouvrages lui sont consacrés. Je ne pense pas d'ailleurs les avoir tous rassemblés ici. Un numéro spécial du coin, par exemple. Un livre de recettes sur les Tontons Flingueurs avec la recette du spécial du Mexicain, des livres sur Audiard et Lautner, le dictionnaire de Stéphane Germain, qui est également un spécialiste d'Audiard, les fascicules de DVD dans les collections vendues chez les libraires, dans les librairies, des biographies humoristiques des acteurs, des gadgets, comme ce coffret en bois tiré à 1963 exemplaires, ou ce coffret flingueur des tontons, comprenant des billets de banque et un revolver avec silencieux, ou encore des personnages en résine, qui ont servi de modèle pour les sculptures qui sont maintenant placées à un rond-point à Montauban d'où venait Fernand Audrin, dans le film. Et les aventures de Max le Menteur ne s'arrêtent pas à ces trois romans. Ainsi, Albert Simonin, en décembre 54, poussé par le succès de Touchez pas au Grisby, a fait une petite nouvelle, Le Petit Noël Truand, dans le journal L'Aurore. Ça a été repris dans l'anthologie Les Contes de Noirs de fin de siècle. Et dans cette nouvelle, Max et son ami Pierrot vont rendre visite à un ancien braqueur qui fait une fête de Noël et qui invite des anciens truands. Et les truands apportent tous un cadeau pour le fils qui a 7 ans. Et chaque cadeau avait un rapport avec les activités illicites de chaque truand. Il y avait ainsi un petit revolver, un petit pied de biche, une maison close en miniature. Mais le gamin ne veut jouer avec rien parce qu'il voulait une panoplie de gendarmes. Autre aventure de Max le Menteur est due à Thomas Narcegen, réveillé par le truand. C'est un pastiche de Simonin dans lequel Max le Menteur a élevé la fille d'un truand décédé, et finalement il la marie à un homme qui travaille dans le cinéma et est en train de préparer une série noire. d'adapter une série noire à l'écran, mais Pierrot se fait tirer dessus et Max doit lui servir d'alibi en simulant une bagarre et en tirant en l'air. Il est tellement furieux d'être privé de la noce qu'il lui tire dessus pour de bon. Il y a eu aussi quelques années d'ici, sous le pseudonyme de Louis Bachelier, La suite des tontons, qui commence avec l'assassinat de Monsieur Delafoy, le père de Claude Riche, à qui Fernand avait demandé de gérer la fortune du couple. Et c'est un roman qu'on trouve de temps en temps sur Internet, c'est un pirate, mais paraît-il, l'auteur accepterait de l'offrir à tout qui fait un don à l'association personnelle. Et enfin, dernière séquelle, c'est un feuilleton de 60 minutes fait par la télévision française en 1967. Max Le Débonnaire, avec Paul Franquin dans le rôle principal, avec un scénario de Simonin et des dialogues de Michel Audiard. Trois épisodes par des metteurs en scène qui ont connu leurs heures de gloire après, Yves Allégret, Jacques Deray et Gilles Grangier. Un an après, les Tontons Flingueurs, Georges Lautner fait les Barbouzes. Ce n'est pas une suite de Tontons Flingueurs, c'est une parodie bien entendu de films d'espionnage, mais avec le noyau dur de l'équipe des Tontons, c'est-à-dire Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Georges Lautner, Michel Audiard et Albert Simonin. De la collection Mystère des Presses de la Cité est paru une novélisation du film d'après le scénario et les dialogues, et dans le pseudonyme, on peut reconnaître Albert et Michel, ce qui me ferait penser qu'il a été écrit à quatre mains par Albert Simonin et Michel Audiard. Film qui a connu aussi une carrière internationale, voici une affiche mexicaine. Le père de Max Le Menteur, Albert Simonin, qui est né dans le quartier de la Chapelle en 1905, et son dernier livre, il est mort en 1980, son dernier livre était le premier tome de ses mémoires, qui raconte son enfance et son adolescence dans ce quartier. Il a été orphelin très jeune, à l'âge de 16 ans. Il a donc dû faire vivre sa famille et a été apprenti très jeune, mais il était très maladroit. Il a réussi à abîmer de la marchandise, à démolir les machines et même à s'électrocuter avec une ligne à haute tension quand il était sur le toit d'une gare de Paris parce qu'il voulait regarder des filles qui passaient dans la rue. Il a fait différents métiers, entre autres chauffeur de taxi, et a publié son premier livre chez Gallimard en collaboration avec Jean Bazin, qui était déjà publié chez Gallimard, qui était en même temps chauffeur de taxi. C'est un livre d'anecdotes et je pense le premier qui a un dictionnaire d'argot, qui est l'argot des taximens. Il entame alors une carrière de journaliste qui est interrompue par la guerre. Et pendant la guerre, il a la mauvaise idée de publier un pamphlet, également à quatre mains, avec un collaborateur notoire. Et bien entendu, on s'en souviendra à la Libération et il fera plusieurs années de prison. C'est à sa sortie de prison qu'il avait lu une mauvaise série noire traduite de l'anglais, mal traduite en plus, et de colère, il a commencé à écrire lui-même un roman, et après quelques pages, il l'a montré à sa femme, qui l'a encouragé, et lui a trouvé le titre « Touchez pas au Grisby ». Je ne reviens plus sur la trilogie de Max Le Menteur. Les années 50, toujours une balle dans le canon, qui a été adaptée au cinéma, et Simonin a également très souvent participé à l'élaboration de films, que ce soit les dialogues, le scénario. Toujours dans la série noire, ici, c'est une réédition par Frédéric Dard, la trilogie du Hotu. C'est un roman sur les mœurs des années 20, dont le personnage central est un proxénète. C'est paru en 3 volumes. Un roman dramatique dans la série blanche du Mouron pour les petits oiseaux, également adapté au cinéma. À la fin de sa vie, il a écrit L'Élégant, avec toujours un thème récurrent, un ancien gangster qui découvre le milieu et ne s'habitue pas à son évolution. Également son dictionnaire d'argot, imité en cela par Auguste Le Breton, qui en a publié un aussi qui était Langue verte et noire dessin, dictionnaire avec une préface de Jean Cocteau. Il s'est lancé dans l'édition d'un magazine policier, comparable à Mystère Magazine, mais qui n'a connu que 2 numéros, publié dans la collection Lettres ouvertes, et un ouvrage humoristique, Le savoir-vivre chez les truands, tous deux réédités récemment. Dialoguiste et scénariste, il a été, je le disais tout à l'heure, pour de nombreux films, entre autres Le Pacha, où on retrouve Lautner et Audiard, et La métamorphose des cloportes, où on retrouve également Michel Audiard au dialogue, d'après un roman d'Alphonse Boudin. Il s'agit ici d'une affiche yougoslave, et j'attire votre attention sur la transcription phonétique des noms des acteurs. Il y a finalement que Lino Ventura, qui est l'orthographe exacte. J'avais une remarque également concernant un autre film que j'ai découvert il y a 48 heures, qui s'appelle Le feu aux poudres, de Henri Decoing, qui avait fait aussi Razia sur la chenouf. Et il a signé le scénario, les dialogues, la chanson du film qui était interprétée à l'époque par Lynn Renault et Dario Moreno. Mais il est également acteur pendant une vingtaine de minutes. Et il y a un film avec Charles Vanel, Raymond Pellegrin, Pierre Vanet, un petit rôle de Lino Ventura. Et il y a une chose frappante dans ce film, quand on écoute les dialogues, Raymond Pellegrin se fait interroger par Pierre Vanet et il me dit « Où l'as-tu connu ?» Chez Maria la Nantaise, sur la route de Menoa. Ah non, c'était pas Maria la Nantaise, c'était Lulu, la petite Lulu. une blonde comme ça. Je présume que ça vous rappelle tous quelque chose. Et Simonin dit, il y a une dame dans la voiture. Chez moi, quand les hommes parlent, les gonzesses se taisent. Ce que dit le Mexicain au début du film. Je vous remercie de votre attention.